Saviez-vous que Télé-Cogeco vous offre à chaque jour les plus importantes nouvelles qui touchent les gens de notre région? L'émission Connectée sur la Mauricie est au cœur de l'actualité et vous livre des reportages pertinents concernant la vie municipale, culturelle, sportive, économique et bien sûr, scolaire. Connectée sur la Mauricie à tous les jours 17h15 sur Télé-Cogeco Câble 11. Pour les rediffusions, consultez tvcogeco.com. Qui sait, peut-être y verrez-vous des gens de l'UQTR à l'écran. Télé-Cogeco, des vraies nouvelles d'ici. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 14e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont des séances d'enregistrement studio et de la diffusion sur les ondes de C'est fou. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration TV Cogeco, musique Daniel Côté, Frère Danque, La Barrique, studio Voxstone, studio Newton, production Joshua et C'est fou 89.1. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. C'est fou! 89-1-1. Et à tous, bienvenue à l'émission Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Annie Brousseau-Arcand et je suis votre co-animatrice avec Jessica Boulanger et Véronique Bazinet pour la session d'hiver. Ce matin, notre émission portera sur l'alimentation durant la grossesse. Nous allons discuter avec Anne-Marie Roy, qui est nutritionniste, ainsi qu'avec Julie Ouellette et Kathleen Boily, deux mamans. Alors, qui aujourd'hui, vont pouvoir, on parle. Nous témoigner. Et Véronique Bazinet va venir en studio aussi pour nous faire une petite chronique sur les types d'alimentation et les livres de recettes qui existent. Vous êtes à C'est fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, bon matin à cette journée de grève, si on peut dire, qui commence. Il va y avoir des manifestations à Montréal aujourd'hui. Cette journée aussi printanière, qu'on peut dire, hein, maintenant que le printemps est arrivé, il fait un petit peu plus beau, fait qu'on se sent plus heureux pour donner le dernier sprint de la session. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre à connaître... ensemble à commercialuqtr.ca pour des suggestions ou nous joindre sur notre page Facebook de Connaître Ensemble. Écrivez-nous, va nous faire plaisir de vous lire. La semaine passée et l'autre semaine d'avant, les étudiants de Sachem sont allés au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert qui avait lieu à Montréal, Québec, les deux dernières fins de semaine. C'était la 11e et la 14e édition du salon qui était très intéressant. Je vous invite à aller voir la page d'Expo Manger Santé et Vivre Vert sur Internet. Alors, on a réalisé une entrevue avec Anne-Marie Roy, qui était la porte-parole scientifique du salon, qui est nutritionniste. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue-là qui nous parle un petit peu de... quoi faire quand on est enceinte ou quoi ne pas faire? Alors, aujourd'hui, on parle d'alimentation et de grossesse avec une spécialiste, Mme Anne-Marie Roy, qui est nutritionniste. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. On avait quelques questions à vous poser concernant la grossesse et l'alimentation. Et on entend beaucoup parler de l'acide folique, en prendre avant, après, pendant... Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on a besoin de prendre des suppléments? Est-ce qu'on pourrait retrouver les folates dans notre alimentation? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup de légumes verts, par exemple, et de légumineuses avant la grossesse, donc il en mange vraiment beaucoup, c'est pas nécessaire de supplémenter. Sauf que dans la population en général, les gens mangent tellement peu de légumes verts qu'à ce moment-là, c'est une précaution à prendre, de prendre un supplément avant la grossesse, parce que c'est quand même avantageux d'avoir une consommation importante d'acide folique, parce qu'on sait que ça réduit de 50 % les risques de spina bifida. Alors, on a le choix. Moi, c'est sûr que je préconise toujours plus d'avoir nos folates dans notre alimentation, mais C'est sûr que si on est conscient que la femme ne consomme pas suffisamment de légumes verts et de légumineuses, à ce moment-là, c'est vraiment important de suggérer un supplément. D'accord. Puis quand on parle de grossesse, on pense toujours au concept « Ah, il faut que je mange pour deux ». Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, parce qu'on mange à peu près seulement 300 calories de plus par jour. Donc, c'est pas beaucoup 300 calories quand on considère que nos besoins sont à peu près de 2000-2200 calories. Alors, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est enceinte, c'est qu'il faut préconiser la qualité. Alors, il faut mieux choisir nos aliments. Bien, en fin de compte, on devrait toujours mieux choisir nos aliments. Mais on dirait que quand on est enceinte, étant donné que c'est pas juste pour nous, on sait qu'il y a un petit bébé aussi qui est là, bien, à ce moment-là, on est comme plus motivé à faire des meilleurs choix qualitatifs. Alors, c'est une bonne période pour stimuler les femmes à mieux manger. D'accord. Puis, au niveau de l'allaitement, est-ce que les besoins sont augmentés durant cette période-là ou c'est sensible? Ou donc, est-ce que le concept de manger pour deux est applicable à l'allaitement? Et je poursuis un peu dans cette même veine-là. Bien, dans le fond, on mange jamais pour deux. C'est sûr que l'allaitement demande même plus d'énergie. Ça demande plus d'énergie faire du lait que de produire un bébé, finalement. On a besoin de 500 calories de plus pour faire du lait. Alors, c'est sûr qu'on doit manger un peu plus qu'en temps normal, mais le même concept s'applique. Il faut toujours avoir une meilleure qualité d'alimentation, mais c'est assez surprenant. Même chez des femmes déficientes, on peut arriver quand même à faire un bon lait quand même. C'est surtout la femme qui va payer pour. Donc, si une femme manque de calcium, par exemple, dans son alimentation, bien, le lait ne sera pas déficient en calcium, mais c'est la mère qui va puiser son calcium dans ses os. Alors, c'est sûr qu'il y a des besoins un peu différents, grossesse et allaitement. Il y a certains besoins qui sont moindres pendant l'allaitement, comme par exemple le fer. On a besoin beaucoup de fer pendant la grossesse, mais beaucoup moins pendant l'allaitement. La vitamine A, on a besoin moins en grossesse, mais beaucoup plus en allaitement. Alors, ça change un peu, mais le concept est toujours de choisir mieux ses aliments, le plus de qualité possible, le plus biologique possible aussi. Et la diversité. Et la diversité, oui. Qualité, diversité, ça, c'est deux termes qu'il faut se souvenir quand on est enceinte. Justement, on se demandait pour les femmes qui ont un régime particulier, soit végétarienne, végétalienne, un régime sans gluten ou avec d'autres choses comme ça, ou crudivore, est-ce que ça serait quoi les recommandations durant la grossesse? Quand on est végétalien, il y a certains éléments particulièrement importants à vérifier, c'est la vitamine B12. Alors, lorsqu'on est déficient en vitamine B12, il y a des risques importants pour les bébés. Alors, les femmes qui sont végétaliennes, qui sont enceintes, ils doivent absolument avoir dans leur alimentation une source de B12, c'est-à-dire soit de la boisson de soya ou de la levure alimentaire Red Star ou des produits additionnés de vitamine B12. Sinon, s'il n'y a pas de ça, il faut vraiment avoir un supplément de vitamine B12. Ça, il faut absolument avoir ça. Mais sinon, les autres éléments sont aussi importants. Là. Je veux dire, il faut toujours se soucier d'avoir suffisamment de fer, suffisamment de calcium, suffisamment d'oméga-3. Mais il reste que, dans le cas du régime végétalien, il faut absolument se soucier de la vitamine B12. Dans le cas des crudivores, c'est un peu la même chose. Je dirais, il faut faire attention aux calories, souvent, chez les crudivores. Il faut s'assurer d'avoir des noix chez les crudivores, parce que sinon, si on se nourrit juste de fruits et légumes, par exemple, c'est pas suffisant pour avoir assez de calories. Mais si on rajoute des germinations, par exemple, des lentilles germées, des noix, il y a possibilité vraiment d'avoir une alimentation variée, toujours en s'assurant d'avoir de la B12, bien sûr. Puis les personnes qui sont allergiques au gluten, ça, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'ils peuvent avoir une alimentation très diversifiée. Il s'agit juste de remplacer le blé ou les céréales qui ont du gluten par du quinoa, par du millet, de l'amarante, du riz complet. Il n'y a pas plus de déficience à ce moment-là. Même au contraire, les céréales qui n'ont pas de gluten, en général, sont plus nutritives, sont plus complètes en soi. Alors, il n'y a pas vraiment de danger. D'accord. Et puis, au niveau de la grossesse et de l'allaitement, ce serait quoi les aliments à éviter? Au niveau de la grossesse et l'allaitement? Les mauvais aliments. Il faut fuir. Bien, c'est un peu comme tout le monde aussi. Il faut fuir absolument les gras trans. Les gras trans, c'est des des gras horribles, il faut les éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les charcuteries, c'est horrible aussi avec les nitrites. Il faut éviter les additifs alimentaires, les aliments trop transformés, les mauvais aliments. Et tu me disais, qu'est-ce qu'il faut éviter? Pour la grossesse ou l'allaitement, mais je pense que vous avez... Ce qu'il faut se soucier aussi, c'est les aliments contaminés. Donc, lorsqu'on veut éviter des toxi-infections, il faut éviter les aliments, certains aliments crus, par exemple, tu sais, le lait cru, les viandes crues, ces choses-là, ça, il faut faire attention au niveau des toxi-infections. Parce que au début de la grossesse, notre système immunitaire est un peu affaibli. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer d'être à risque, de ne pas... il faut réduire nos risques de toxi-infections. Et puis, café, thé, est-ce qu'on peut en consommer? C'est sûr que l'alcool, hein, c'est sûr qu'on n'a pas parlé. L'alcool, on est mieux d'éviter complètement. Café, réduire sa consommation au minimum. Thé, surtout le thé au repas réduit beaucoup l'absorption du fer. Ça réduit de 70% l'absorption du fer. Alors, le thé, si on en prend un petit peu, c'est entre les repas. Mais il y a quand même un peu de caféine dans le thé. Puis dans ce qu'on disait aussi tantôt d'éviter, c'est tous les sucres transformés aussi, hein, les mauvais sucres. Donc, tous les aliments trop transformés. D'accord. Et puis, on sait que vous êtes une fervente défendrice de l'alimentation biologique. Comment on pourrait s'alimenter sainement puis à bon prix? OK. Et biologique, donc. Ben dans le fond, encore là, ça revient à manger des aliments moins transformés parce que si on prend des ingrédients de base pour se nourrir, à ce moment-là, ça coûte beaucoup moins cher. Si on prend des bonnes farines, des bons grains entiers, du griot le matin, farine de sarrasin, des galettes de sarrasin, ça coûte pas tellement cher. Des légumineuses bio, ça coûte pas très cher. Du tofu bio, ça coûte pas très cher non plus. Donc, moins de viande. En mélangeant moins de viande, ça nous permet d'économiser parce que ça coûte cher la viande. Et ça nous permet d'avoir un petit peu plus de sous pour s'acheter davantage de fruits et légumes et légumineuses et grains bio. Maintenant, je passe dans le registre des gras. Comment on fait pour démystifier, se retrouver dans le monde des gras, les bons gras, les mauvais gras, les gras trans? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais premièrement, il faut lire nos étiquettes. Alors, il faut éviter tout ce qui est huile hydrogénée, shortening. Mais dans le fond, la meilleure façon de s'assurer d'avoir des bons gras dans notre alimentation, c'est de manger des noix. Et ça, on les oublie, nos noix. Toutes sortes de variétés de noix, idéalement des noix qui n'ont pas été rôties, parce que les gras sont très fragiles à la cuisson. Donc, à ce moment-là, des noix, on les prend non rôties. Nos huiles, si on achète des huiles, c'est toujours pressé à froid. Ça, c'est extrêmement important. Mais on a toujours avantage à consommer des noix avant des huiles, parce que les noix sont beaucoup plus riches en minéraux, en vitamines. Alors, on a toujours mieux de premièrement privilégier les noix et l'huile en dernier. Et une autre façon d'avoir des bons gras, c'est des avocats. Les avocats, les noix, les olives. Alors, c'est ça qu'on devrait privilégier. Après ça, des bonnes huiles et le moins d'aliments transformés, parce que la plupart des aliments transformés, c'est des mauvais gras. Hein. Les grosses compagnies utilisent des gras de piètre qualité dans leurs produits, ça coûte moins cher. Alors, on est mieux de faire nos choses nous-mêmes. Et puis, si on veut cuisiner, faire sauter, se faire un petit wok à la maison, on veut faire sauter nos aliments, avec quelle huile on peut utiliser ou quel corps gras pour faire revenir tout ça sans qu'on tombe dans les gras méchants? OK. Ça pourrait être de l'huile d'olive, un peu d'huile de canola ou à la limite un petit peu d'huile de coco. Mais lorsqu'on fait cuire de l'huile d'olive ou de canola, c'est doux. On ne met jamais notre poêle à maximum lorsqu'on veut faire sauter quelque chose. On ne veut pas que l'huile parte en fumée. Alors, on met un petit peu d'huile et on prend notre temps. Tu sais, on y va doucement. Puis de toute façon, lorsqu'on fait rôtir, là, il y a des toxines de cuisson au rôtissage. Donc, c'est jamais bon de faire rôtir intensément nos aliments. Donc, on y va à feu doux avec un petit peu d'huile. Même souvent, on peut ne pas mettre d'huile. Moi, souvent, je vais faire sauter mes légumes et je ne mets même pas d'huile dedans. Donc, je rajoute... ou à la limite, on pourrait rajouter de l'huile à la fin pour aller chercher le goût à ce moment-là. D'accord. Puis, on a parlé tantôt de l'importance de lire les étiquettes. C'est pas aussi toujours facile de se retrouver dans tout ça. Ce serait quoi les petits trucs faciles que vous pourriez nous donner pour se repérer ou savoir, bon, est-ce que mon aliment, ben, le produit que je vais acheter, il y a un taux de sodium correct ou comment je pourrais faire pour me retrouver dans tout ça? On part pour une demi-heure. Non. Mais je dirais, premièrement, jamais se fier à ce qui est sur le devant de l'emballage. Ça, souvent, les gens se fient trop à l'étiquetage que l'industrie met sur le devant pour attirer l'œil. Mais ça, fiez-vous pas jamais à ça. Allez voir le tableau de valeurs nutritives, allez voir la liste des ingrédients. Et c'est dans la liste des ingrédients, on va pouvoir aller voir la qualité de la farine qu'on a utilisée, la qualité du sucre qu'on a utilisé, la qualité du gras qu'on a utilisé. Et le tableau de chiffres va plus nous donner une indication peut-être au niveau du sodium. Un truc intéressant, si on veut savoir s'il y a trop de sodium, vous regardez la quantité de calories. La quantité de sodium devrait être à peu près équivalente à la quantité de calories. Donc ça, c'est un truc rapide. Mais fiez-vous jamais au pourcentage de la valeur quotidienne. Parce que maintenant, les industries mettent toujours des petites portions. Donc, en mettant des petites portions, le pourcentage de la valeur quotidienne va être bas. À ce moment-là, c'est un trompe-l'œil, finalement. C'est pour ça que moi, ces chiffres-là, là, sur à la droite de l'étiquette là, du tableau de valeur nutritive, vous n'avez même pas à soucier de ça. Donc, je vous dirais, la liste des ingrédients est probablement l'élément le plus important pour voir la qualité des produits qu'on a achetés. Et le sodium, bien, c'est vraiment, on va aller voir ça sur le tableau de valeur nutritive. Puis on sait que justement l'industrie, pour camoufler les grandes quantités de sucre, de sel, vont diviser, ben ils vont donner plusieurs noms, tout ça pour réduire. Fait que à ce moment-là, quels mots-clés on devrait faire attention quand on en retrouve plusieurs? Ben les sucres, du moment qu'il y a du ose à quelque part, là, fructose, glucose, sucrose, sucralose, ça c'est tous des sucres extrêmement dommageables, ou même le mot sucre tout court. Donc s'il y a ces mots-là, on est mieux de ne pas acheter. Quand c'est sirop d'érable, date, concentré de jus de pomme, ça, il n'y a pas vraiment de problème. Mais l'industrie, justement, met souvent maintenant plusieurs petites quantités de sucre pour diviser la quantité de sucre et pour pouvoir tasser plus loin les sucres dans la liste des ingrédients. Donc ça, c'est une autre façon de camoufler le sucre. Parce que souvent, si on mettait un seul sucre, il serait en premier. Alors ça paraît toujours mal pour les industries. Alors, il faut savoir que la liste des ingrédients, c'est toujours en ordre décroissant de quantité. Alors, les compagnies, encore là, ils utilisent des trucs pour essayer d'embellir la liste des ingrédients. D'accord. Puis, je me permets de vous poser une petite question choc. Qu'est-ce que vous pensez du guide alimentaire canadien? Bien, moi, je l'aurais fait autrement, mais je pense qu'il s'est beaucoup amélioré avec les années. On préconise quand même beaucoup les fruits et légumes et les grains entiers. Donc, quand on regarde l'arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel, le guide alimentaire, les deux premiers arcs, c'est quand même nos végétaux, c'est les fruits et légumes et grains entiers. Et on a mis la viande, bizarrement, en dernier. Hein? Donc, la viande est vraiment, devrait être considérée un accompagnement dans notre assiette. Et si les Québécois faisaient ça, si les Canadiens faisaient ça, déjà, on aurait une amélioration dans notre niveau de santé. Alors, c'est déjà un outil de base très général, mais moi, personnellement, j'aurais mis davantage l'emphase aussi sur les sources de calcium autres que les produits laitiers, parce qu'on a un gros produit laitier et il faut réaliser que le lait n'est pas un aliment essentiel à la vie. C'est le calcium qui est essentiel à la vie et c'est faux de croire que le calcium n'est que présent dans les produits laitiers. Alors, personnellement, moi, j'aurais mis toutes les sources de calcium possibles dans notre alimentation et non pas que le lait. Malgré que les boissons de soya, maintenant, qui ont été ajoutées dans les substituts de lait. Mais il y aurait beaucoup d'autres aliments qu'on aurait pu mettre. Toute la famille des choux qui sont des sources exceptionnelles de calcium, les graines de sésame, le tofu, les boissons de soya sont déjà là. Mais la mélasse est une source exceptionnelle de calcium. Donc, il ne faut pas les oublier, nos bonnes sources de calcium autres que le lait. Mais on peut quand même se réjouir que les légumineuses soient revenues à l'avant du guide alimentaire canadien. Oui, on a mis les légumineuses en premier plan dans le viande et substituts. Finalement, on a mis le substitut de la viande en premier. Je pense que c'est un petit message que Santé Canada a voulu transmettre, c'est mangeons plus souvent des légumineuses. Donc ça, je suis très fière de Santé Canada à ce niveau-là. Donc, en terminant, pour revenir à nos mamans et à nos bébés, on parle beaucoup de l'introduction des aliments chez les nouveau-nés, tout ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il y a un âge minimal? Est-ce que pour les gens qui sont végétariens, qui voudraient encourager ou introduire cette alimentation-là à leur enfant, est-ce qu'il y a des choses à savoir en particulier? Dans le fond, le plus important à retenir, c'est qu'un enfant, un bébé, ne devrait pas manger avant 6 mois. Donc, ça, c'est la recommandation. On donne l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Et après ça, l'introduction des aliments, je trouve qu'on a souvent un calendrier strict, là. Je pense qu'on a beaucoup plus de liberté que ça. On peut commencer par à peu près n'importe quel aliment. C'est sûr que ça peut varier entre fruits, légumes, grains. Puis là, plus tard, on peut à ce moment-là introduire les légumineuses. S'il n'y a pas d'allergie, ça peut être éventuellement les noix. Ceux qui ne veulent pas être végétariens, ça peut être les viandes. Mais il n'y a pas de calendrier strict. Encore là, c'est toujours la qualité et la variété qui revient encore là comme priorité. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais aliments à donner à un bébé. C'est sûr que c'est toujours encore là des aliments simples. On ne donnera jamais du jambon à un bébé. Là. On va commencer avec les avocats qui sont très gras. Un bébé a besoin de beaucoup de gras. Hein. Donc, c'est un des meilleurs aliments à donner à un bébé pour commencer, c'est les avocats. Puis ça se pile facilement. Ça peut se mélanger avec n'importe quel légume ou fruit. Donc, je trouve que banane et avocats ensemble, donner ça à un bébé, c'est merveilleux. Donc, c'est sûr que fruits, légumes au début, avec des grains idéalement sans gluten peut-être pour commencer. Puis après ça, rendu à 9 mois, ils mangent à peu près comme le restant de la famille. Là. Donc, le quinoa, le riz, les grains entiers comme ça, ce serait bon pour se faire des céréales maison. Oui, on n'est pas obligé d'aller vers des céréales enrichies ou des céréales prêtes à manger là, pour bébé. On peut très bien faire nous-mêmes cuire notre quinoa, le millet, le riz, on peut le faire nous-mêmes. L'amarante aussi, c'est un autre grain qui est très intéressant pour les bébés. Il y a beaucoup, beaucoup de fer. Il n'y a pas de gluten non plus. Alors, il faut diversifier beaucoup nos céréales, mais c'est mieux de commencer avec des céréales qui n'ont pas de gluten. C'est plus facile à digérer. Puis pour l'introduction des aliments potentiellement allergènes, on attend à l'âge de 1 an, c'est ça? Mais ça dépend encore là s'il y a des allergies dans la famille. Tu sais, si un enfant n'est pas allergique, si les parents ne sont pas allergiques, on peut y aller quand même. Tu sais, les noix, on peut quand même commencer vers 9-10 mois peut-être. Là. Les légumineuses aussi. S'il n'y a pas aucune allergie, à ce moment-là, on peut y aller quand même sans problème. Là. Mais je vous remercie infiniment, Madame Anne-Marie Roy, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était un grand plaisir. Mais ça m'a fait un grand plaisir, moi aussi. Merci à Véronique Bazinet et Karine Bertrand qui ont orchestré cette entrevue-là. Merci aussi à Anne-Marie Roy. Alors, si vous avez des questions aussi sur le salon l'Expo Manger Santé et Vivre Vert, c'est www.expomangersanté.com. C'est terminé, mais vous pouvez aller voir les exposants qui avaient lieu pendant l'expo, puis aussi prendre des infos pour vous préparer pour l'année prochaine pour y aller à Québec et à Montréal. Alors, on enchaîne en musique avec « J'attends un navire » de Las Rubias del Norte et on revient tout de suite après la pause. Alors, aujourd'hui, on parle... j'aimerais parler à M. Leblanc juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur Cifou 89. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Vous êtes étudiant en génie? La Banque Nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque Nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, vous êtes de retour à C'est fou 89.1 à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Alors, on va enchaîner avec un témoignage de deux mamans qui nous expliquent comment elles ont vécu leur alimentation pendant leur grossesse, l'allaitement, puis aussi le sevrage. Alors, super intéressant témoignage qu'on écoute de Julie Ouellette et Kathleen Boilly. Alors, bon matin. Aujourd'hui, on continue à parler d'alimentation avec deux étudiantes en pratique sage-femme, Julie Ouellette et Kathleen Boilly, qui sont très généreuses de nous accorder un peu de temps comme ça en fin de session. Et puis, en fait, c'est deux étudiantes en pratique sage-femme, mais deux super mamans aussi. Donc, on voulait avoir un peu une rétrospective de leur expérience par rapport à la grossesse, l'alimentation, puis les premiers aliments du nouveau-né, de leur expérience justement de mère. Donc, votre expérience alimentaire durant la grossesse, ça s'est passé comment? Bon, d'abord, tout le monde me disait qu'il fallait que je mange deux fois plus, alors que moi, j'avais pas deux fois plus faim. Je me suis mis peut-être à manger mieux, qu'on pourrait dire deux fois mieux, mais j'y allais vraiment à l'instinct. Je me posais pas de 15 000 questions de calories, je me posais pas 15 000 questions de est-ce que c'est trop sucré, est-ce que c'est trop gras, est-ce que c'est ci, ça, non. J'y allais vraiment, est-ce que je sens que j'ai besoin de ça dans mon corps? Oui, go, on le mange. Puis je pense que j'avais pas mal la dent sucrée en général, mais j'allais dans les fruits, le yogourt, je me gênais pas du tout. Mais c'est sûr qu'on essaie de faire attention aussi en général, parce que si j'avais eu l'instinct de manger du junk food à tous les jours, j'aurais fait attention, mais c'était pas le cas du tout. On essaie tellement d'avoir une alimentation diversifiée, on entend qu'il faut de l'acide folique, on entend du fer, on entend des oméga 3, tout ça, fait que on s'informe un peu de qu'est-ce qui est où, puis on y va comme ça. Moi, je prends pas de multivitamines, ça m'intéressait pas, donc j'essayais d'avoir une alimentation complète. Puis est-ce que ça devenait stressant, justement, toutes les informations, tous les besoins alimentaires? Il faut pas que je manque de ci, de ça. Est-ce que ça devient un peu une espèce de casse-tête à un moment donné? Tellement pas, là. Non, moi, j'essayais. On essaie, mais tu sais, je crois que notre corps est bien fait au départ, et puis il va aller chercher tout ce qu'il a de besoin. Donc, il suffit de lui donner le mieux de ce qu'on peut, et puis le reste, le corps va le faire. Moi, je voyais ça vraiment comme ça. Puis, il y a beaucoup de femmes, justement, qui ont envie de manger de la poutine tout le temps ou des hamburgers tout le temps ou je sais pas quoi, puis que finalement, ils vont compléter avec des multivitamines, mais tu sais, c'est complètement... dans ma tête, c'est complètement sauté de faire ça parce que les multivitamines sont souvent très mal assimilées par le corps alors que l'alimentation l'est beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Non, moi, les multivitamines, ça m'intéressait vraiment pas. D'accord. Puis toi, Kathleen, comment tu as vécu justement ton expérience alimentaire durant la grossesse, que tu avais le besoin de manger pour deux, comme le mythe le souligne? J'avais vraiment faim. Oui, j'avais vraiment faim, Mais déjà au départ, je mangeais, en tout cas je considérais que je mangeais très bien. Ça faisait déjà, je dirais 5 ans à peu près que j'étais végétarienne. Je cuisinais beaucoup des fruits, des légumes. Fait que déjà, j'avais évalué là, est-ce que oui ou non on prend des multivitamines, justement, comme disait Julie. Puis dans mon cas, c'était non. T'sais, si j'étais pour manquer des trucs, j'allais chercher dans l'alimentation. Fait que déjà, je pense que c'est important de se demander est-ce que le supplément de vitamines, de minéraux est nécessaire. Parfois, on ne se pose pas la question, puis on a juste peur que l'enfant va en manquer. Fait qu'on prend de tout. De toute façon, on se fait dire, de toute façon, le corps va rejeter ce qu'il ne prend pas. Ça, c'est à chacun pour soi, mais il y a peut-être un petit bémol, moi, que je mettais là-dessus. Fait que j'ai choisi de ne pas prendre de multivitamines. Je mangeais, moi aussi, c'était assez intuitif, puis je me faisais confiance, vu que déjà, ça faisait longtemps que je m'étais posé les questions, est-ce que je mange bien, puis si je manque quelque chose. Fait que ben, je faisais attention, j'avais tendance à moi aussi, petite dent sucrée. Fait que j'y allais beaucoup, beaucoup dans les fruits. J'ai coupé dans le sucre parce que je me suis dit, si j'ai aussi faim que ça, ben pourquoi pas juste arrêter de me priver puis manger des aliments qui sont meilleurs. Fait que j'ai coupé, je me suis mis à faire des muffins, je mettais plus de sucre dedans, je mettais des fruits séchés, des trucs comme ça. Fait que j'ai remplacé des petits trucs pour pouvoir manger à ma faim, pas avoir à me priver si j'avais besoin de me resservir une deuxième fois. Puis j'ai peut-être augmenté. Qu'est-ce que j'ai augmenté? Je pense que la seule chose que je me demandais si j'avais assez, c'était le calcium. Fait que je suis allée le chercher, j'ai mangé full brocoli, full noix, puis j'ai pas tant augmenté le lait comme tel. Là. Je suis allée chercher mes trucs ailleurs, mais non, j'ai pas vraiment... J'ai mangé plus, oui, mais j'ai rien changé. Ouais, instinctif, moi aussi. D'accord. Puis au niveau de l'allaitement, est-ce que vous avez vu des modifications dans vos besoins ou dans vos goûts, par rapport à des aliments que vos bébés aimaient pas ou tout ça? Moi, j'ai absolument rien changé. Mon bébé assimilait tout, à ce que je sais, en fait. Mais reste que moi, c'est clair que je mange plus. Je mange aussi très sucré en général, même chose que pour la grossesse. Donc, je ne sais pas si mon lait est plus sucré à cause de ça, mais mes enfants semblent l'aimer. Non, c'est ça, j'ai rien changé. Plusieurs collations par jour, disons, j'ai ajouté des collations, on va dire ça comme ça. Puis pour toi, Kathleen? Je dirais pareil comme Julie, j'ai pas remarqué de différence grossesse puis allaitement. Je mangeais probablement autant, j'avais besoin de collations plus souvent aussi. La différence était minime entre la grossesse puis la période d'allaitement. Fait que j'ai continué de faire attention, j'ai continué de manger plein de fruits, puis j'ai pas eu de problème non plus par rapport à un aliment que je devrais éliminer pour mon enfant. Là, c'est sûr qu'on entend dire plein d'affaires, fait que tu dis ok, peut-être je peux l'essayer, mais finalement non, tu te rends compte qu'il pleurait, il continue de pleurer pareil, fait que moi non plus j'ai vu aucune différence, franchement non. C'est parce que tu manges un dal indien que ton bébé va en souffrir. Non, mon bébé, il n'en souffrait pas. En tout cas, il avait pas l'air. Mon lait goûtait peut-être différent, mais lui, il avait le hacket. Mais ça ne l'a jamais empêché de continuer de vouloir prendre de mon lait parce que il avait le hacket après. Il a peut-être pas fait le lien, mais ça continue de goûter bon pareil, là, je pense. D'accord, puis ça l'ouvre sur la cuisine du monde aussi. Ça l'ouvre les perspectives. Comment s'est passé le sevrage ou comment ça se passe actuellement pour vous, mesdames? Moi, j'ai pas sevré mes enfants encore, donc mon fils de 2 ans et demi tète encore, et puis mon fils de 1 an tète aussi. Mais par contre, je les ai sevrés la nuit, et puis ça, c'est pour moi, ça a été quand même assez... Ben, c'est pas compliqué parce qu'on amène un biberon, puis il boit du lait au biberon durant la nuit, mais bon, disons que c'est plus les crises de pleurs qui nous font tordre le cœur. Mais bon, il faut résister, je pense, puis... Faut que ça se fasse un jour ou l'autre. Donc, aux environs de 9 mois environ, quand que je commence à être plus fatiguée, que j'ai accumulé de la fatigue, dans ma tête, c'est un très bon moment pour commencer à faire ça. C'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie, puis il faut que ça soit fait sur une paix. Faut se laisser le temps aussi, je pense, de sevrer. Mais moi, je me laisse 2 semaines environ pour, en tout cas, à date, c'est ça que j'ai fait. Puis, je me sens pas coupable de réintroduire le sein, admettons que je suis fatiguée ou que j'ai un examen le lendemain, je vais pas me casser la tête de « non, faut absolument pas que je le fasse têter. » Non, je fonctionne pas du tout comme ça. Donc, c'est ça. Ça se fait... Il y a des nuits qui sont pires et des nuits que ça va, puis... On essaie de ne pas focusser à court terme, mais bien de voir ça comme un processus qui est beaucoup plus long. Là. Mm. Surtout quand on se prépare pour partir en stage. Puis pour toi, Kathleen, comment ça s'est passé le sevrage? Moi, le sevrage, ça a été court. Je pense qu'en une semaine, tout était fini parce que c'est mon fils qui l'a décidé ainsi, à ma grande déception. C'est moi là-dedans qui était vraiment triste puis qui a vraiment trouvé ça difficile. Lui, il a commencé comme peut-être, là, il y avait peut-être quoi, 5 mois. Puis j'ai commencé à prendre des breaks, à m'absenter, à aller faire l'épicerie, faire des trucs pour moi. Fait que j'ai commencé à lui donner un biberon une fois de temps en temps de mon lait. Puis après ça, tranquillement, il a trouvé ça bien intéressant d'être capable de boire tout seul. Puis le jour, il voulait plus de mon lait, ça n'a pas pris de temps. Peut-être, ça a pris peut-être un mois. Puis à un moment donné, ben là, c'est la nuit, il a décidé que c'était fini. Fait que j'ai continué là, un petit peu de tirer mon lait puis de donner dans le biberon le temps que j'en ai pu. Fait que ouais, c'est monsieur qui a décidé, il y avait 6 mois à peu près, là, quand il a décidé que tout était fini. Fait que ça a été, je dirais, simple pour lui, difficile pour moi. D'accord. Puis au niveau, justement, quand on parle de sevrage, on parle aussi d'introduction des aliments. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un casse-tête? Sentiez-vous de la pression de suivre les étapes prescrites par les codes sociaux et alimentaires? Donc, comment ça s'est passé pour vous? Beaucoup de tiraillements, des opinions qui fusent de toutes parts, des opinions qui sont contradictoires. D'un côté, on dit qu'il faut que l'alimentation soit introduite, l'alimentation solide soit introduite à partir de 6 mois. De l'autre côté, les grands-parents, souvent, qui ont introduit l'alimentation solide à partir de 4 mois, ils voient ton bébé qui a des poussées de croissance, puis qui jugent que ton lait il est insuffisant ou qu'il est pas assez gras, ou bon, toutes les mythes qui sont racontés sur ça. Non, c'est ça. D'un côté, il faut arrêter d'allaiter, mais diminuer l'allaitement, puis introduire les aliments solides. Il y en a qui pensent aussi que l'allaitement empêche les enfants de manger suffisamment, ce qui fait qu'ils vont maigrir ou qu'ils ne prendront pas suffisamment de poids. Il y a vraiment des choses qui sont contradictoires de tout bord, tout côté. Mais bon, moi, je m'en suis tenue le plus possible à ce que ça disait dans le guide du mieux vivre, de poursuivre jusqu'à 6 mois et puis que le lait soit l'aliment principal jusqu'à 1 an. Mais encore là, ça, c'est très difficile à gérer, si je peux dire ça comme ça, parce que on veut se simplifier la vie en famille, puis ça fait en sorte que on a hâte que les enfants mangent comme tout le monde dans la famille, on a hâte que de faire un seul repas au lieu de 3-4 repas différents. Donc c'est ça, mais aussi il y a la question de est-ce que je l'allaite avant et puis je donne le repas après, ou le contraire, ou est-ce qu'ils sont les meilleurs nutriments, est-ce que c'est dans le lait, est-ce que c'est dans la nourriture, toute la question du fer aussi, que c'est quelque chose qui est compliqué, parce que le fer il est dans les céréales, puis les céréales enrichies en fer, en fait. Donc, c'est ça. Puis moi, mes enfants toléraient mal les céréales, donc j'ai décidé de me tourner vers les légumes et les fruits. Mais bon, là, est-ce qu'il prend assez de fer? T'sais, c'est tellement de tiraillements, tellement d'informations qui viennent de toutes parts qu'à un moment donné, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Et puis, on se fie à notre instinct, on fait de nos purées, puis on essaie d'y aller au plus simple possible. En tout cas, pour moi... c'est jamais facile, là. Mais des purées avec beaucoup d'amour, ça, je suis sûre. Puis pour toi, Kathleen, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Je pense d'ailleurs que l'introduction des aliments solides, ça a tranquillement amené vers ce que je disais tantôt, que mon bébé il a décidé de tout seul, là, qu'il ne voulait plus du sein. Je pense qu'il était très curieux, puis il a beaucoup aimé la nourriture solide. Fait que tranquillement, pas vite, il s'est complètement désintéressé. J'ai commencé, moi, par les céréales, une sorte de céréale à la fois. Puis après ça, bien, je mélangeais avec mon lait. Puis tranquillement, pas vite, bien, j'introduisais les fruits, les légumes. Puis j'introduisais un aliment par semaine. J'ai fait ça pendant peut-être un mois. Puis après ça, là, c'était 2-3 aliments par semaine. Puis ça a super bien été. Moi, la question que je me suis beaucoup demandée, puis évidemment, tout le monde me la demandait aussi, c'est est-ce que ton enfant va manger de la viande? Hein? Tu sais que c'est vraiment important de manger de la viande, parce que moi, j'en mangeais pas. J'avais recommencé à en manger un petit peu enceinte. J'avais soudainement eu le goût d'en manger. Fait que j'en mangeais un petit peu, peut-être deux fois par semaine. Fait que j'ai dit, écoute, bon, pour mon enfant aussi, je peux bien essayer d'y en donner, puis il verra plus tard. Fait que je me suis mis, là, c'est ça, quand j'ai commencé. Bon, j'ai commencé les céréales, les fruits, les légumes. J'ai commencé un petit peu les légumineuses, le petit tofu soyeux, les œufs. Ça a été plus loin. Puis j'ai essayé aussi la viande, là, que je mélangeais aussi avec du lait. Je faisais toutes mes purées moi-même. Je me suis lancée dans des purées maison biologiques. Je trouvais ça vraiment important pour eux. Puis ça a super bien été. C'était vraiment un curieux. Puis encore aujourd'hui, mon enfant, il y a 2 ans, puis il adore goûter à tout. Fait que justement, comme tu disais, Julie, c'est tellement agréable de voir un enfant qui mange tout, qui est assis à la table, qui s'en met partout. Puis qui apprécie ça. Fait que c'est un moment pour les parents souvent agréable de commencer à introduire les solides. Puis des fois, bon, on se demande tout le temps quand je commence à les introduire. Pour ma part, j'ai commencé aux alentours de 6 mois. Puis aussi, j'ai continué de donner le lait comme élément principal jusqu'à 1 an. Puis, je dirais aux parents qui se questionnent beaucoup, j'ai eu à me poser la même question. Puis, j'ai demandé conseil, dans le fond, dans des groupes d'entraide à l'allaitement. Puis, j'ai vraiment eu de très bons conseils sur les signes que le bébé est prêt ou non à manger du solide. Beaucoup avec la bouche, le jeu de langue là, qui va faire ses lèvres. Ça, c'est des signes qui sont intéressants quand tu te demandes, es-tu prêt, es-tu pas prêt? Est-ce que parce qu'il pleure il y a 5 mois, c'est-tu parce qu'il a vraiment faim? Pis tout. Fait que ça peut, je dirais, pour les parents qui se questionnent beaucoup, les femmes qui travaillent dans des organismes d'aide à l'allaitement, souvent, ils ont vraiment des bons conseils à nous donner pour voir si oui ou non l'enfant est prêt à introduire des solides. Moi, je les ai fait confiance, puis quand j'ai commencé, je voulais introduire à 5 mois, je dis, ben, écoutez, là, je vais toujours bien regarder, parce que j'avais moi aussi une pression, là, ben, tu vois bien que ton fils, il a faim, fait que je l'ai essayé à 5 mois, puis il était vraiment pas prêt, je me suis réessayée, là, 1 mois plus tard, puis là, ça allait mieux, puis il y en avait envie aussi. Ben, merci beaucoup, Kathleen Boilier et Julie Ouellet, étudiantes en pratique sage-femme à l'UQTR, d'avoir pris du temps pour nous parler de vos expériences réciproques. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle... Merci beaucoup, les filles. Alors, Véronique est maintenant revenue en studio avec moi. Allô, Véro. Bonjour, bon matin. Alors, tu viens pour nous proposer un peu quelques livres de recettes, mais vite, est-ce que tu pourrais peut-être un peu démêler peut-être les types de régimes alimentaires qui existent? Oui, ben en tout cas, il y a plein de nuances puis de différences, mais bon, au niveau de l'alimentation, ben c'est sûr qu'il y a les carnivores, donc les omnivores, on devrait dire, les gens qui mangent de la viande. Il y a, les végétariens, donc, puis à ce niveau-là, tu as différentes branches, tu as les ovo-lacto-végétariens, tu as les flexitariens, bon, on a différents concepts. Donc, des gens qui ne mangent pas de viande, ils peuvent y avoir certaines personnes qui vont manger quand même des poissons, il y en a d'autres qui ça va être les ovo-lacto, donc juste les œufs, les produits laitiers, pas de viande évidemment. Puis après ça, on a les végétaliens. Les végétaliens consomment aucun produit d'origine animale, donc ça va même jusqu'à éliminer le miel qui provient des abeilles et autres trucs comme ça. Donc, c'est à ce niveau-là. Puis, bon, il y a un nouveau... c'est pas nouveau, mais au Québec, on voit une certaine tendance vers le crudivorisme. Donc, beaucoup avec la nouvelle entreprise de Montréal qui s'appelle Crudescence, qui a un peu ramené au goût du jour le mouvement crudivoriste. Donc, c'est aucune cuisson. Tous les aliments sont mangés crus et transformés sans cuisson. Je vais vous donner quelques conseils ou sites à aller voir à ce niveau-là. Donc, on pourrait dire que c'est les différentes approches au niveau de l'alimentation. Puis les crudivores, est-ce qu'ils mangent la viande ou c'est vraiment seulement... Non. Okay. Justement, c'est des végétariens, mais crudivores. Oui, okay, exactement. Donc, voilà. Puis je pense que tu nous as apporté en studio quelques livres à nous conseiller, des livres de recettes. Oui, bien en fait, je voudrais juste revenir, c'est que en fait, les crudivores en général sont végétaliens aussi, là. Oui, prennent pas de produits laitiers non plus. Donc, voilà, oui, bien en fait, rapidement, on a parlé, tu sais, de l'alimentation, on continue dans l'alimentation saine. Quelques idées, quand on veut mieux s'alimenter, en général, ça passe... par cuisiner davantage pour transformer des aliments bruts, puis en, bon, les cuisiner. C'est une façon aussi de manger à un prix qui est abordable, donc acheter ces légumineuses sèches, les faire tremper, etc. C'est sûr que ça demande du temps, mais je pense que plus on cuisine, plus on développe des trucs, plus ça peut être rapide. Mais je veux pas juste aller dans l'alimentation végétarienne, en fait. vous allez me trouver drôle, mais je voulais vous parler de Ricardo. Oh! Parce que, en fait, je trouve que Ricardo a beaucoup démocratisé l'alimentation quand même saine, malgré qu'il y a de la viande. Puis aussi, je trouve qu'il y a une approche assez intéressante. Je pense que son public cible, ça demeure quand même les jeunes familles, les gens qui ont à faire le repas, qui ont 30 minutes entre les devoirs, avant les bains, tout ça. Donc, on peut aller voir sur son site ricardocuisine.com. Dans la rubrique recettes, il y a l'onglet menu rapide. Puis vous pouvez avoir justement des recettes express. Puis aussi l'onglet recettes santé. Donc, vous allez retrouver aussi des recettes végétariennes, mais aussi avec la viande. Donc, c'est ça. Ben, c'est sûr que Ricardo, il y a des recettes avec la crème 35%, là, mais ça, c'est un choix qu'on fait. Mais bref, tout ça. Puis dans ses revues aussi, il fait comme une espèce de chronique, 5 recettes pour la semaine avec une liste d'épicerie inclus. C'est toutes des recettes 30 minutes. Fait que ça peut être un truc pour cuisiner rapidement, mais sainement, manger puis des bons aliments. Puis il incorpore beaucoup de légumineuses dans ses recettes. Alors voilà. C'est ça. Puis c'est pas pour démoniser non plus la viande. Donc, c'était mon premier truc. Ensuite, il y a un blog qui est bien intéressant, bien fait, sur le crudivorisme, qui s'appelle crudivorisme.com. Donc, c'est un très beau site avec l'information. Vous allez pouvoir aussi retrouver différentes recettes comme le ravioli betterave, spaghetti aux courgettes, potage, gazpacho, des recettes de dessert. Donc, mais tout ça est cru et transformé. C'est sûr que ça vous prend quand même un robot culinaire là, pour vous faire des recettes crudivores, donc, parce qu'il faut broyer les aliments. J'ai trouvé que c'était très beau, très bien fait, puis ça donnait vraiment le goût de cuisiner. Ensuite, au niveau de la cuisine végétarienne, ben, je ne vous ai pas sorti nécessairement un site en question parce qu'il y en a vraiment une panoplie, une myriade. Donc, à vous d'aller chercher, taper végétarisme, recette végétarienne sur Google. Vous allez être rassasié. Mais je tenais vraiment à vous parler de mon coup de cœur, mes bibles culinaires, en fait, du Mosswood Restaurant, qui est un restaurant situé à Ithaca, dans l'État de New York. En fait, ça existe depuis 1973. C'est une coopérative qui est constituée de 19 membres. Puis, en fait, ça a été beaucoup les précurseurs du mouvement végétarien là, dans l'Est des États-Unis. Eux, ils cuisinent le plus possible avec des aliments biologiques, mais aussi ont leur fermier, finalement, à place de leur fermier de famille, c'est leur fermier de restaurant. Donc, ils travaillent vraiment en lien avec des agriculteurs locaux. Puis, sur leur site www.mousse, comme orignal, moosswoodrestaurant.com, vous allez pouvoir trouver le lien. Ils ont des recettes, puis ils ont édité là, 12 livres et bien plus qu'on peut trouver aussi sur Amazon. Vous pouvez vous en procurer comme Sunday at Mosswood Restaurant. C'est très intéressant. En fait, les dimanches à ce resto-là, c'est juste de la cuisine du monde. Donc, ils ont publié leur livre de recettes avec leurs recettes qui servent au restaurant. Vous avez le Mosswood Resto Low Fat Favorite, donc les recettes faibles en gras. Vous avez aussi des livres juste sur les soupes, juste sur les salades. Vous avez le livre qui s'appelle Enchanted Broccoli Forest, donc la forêt des brocolis enchantés, qui est un très, très beau livre. Mm-hmm. Donc, c'est savoureux. Ces recettes-là sont faciles. Ils demandent pas beaucoup d'ingrédients. Puis on peut même, pour les gens qui sont pas végétariens, on peut incorporer la viande dans les recettes si on veut. Mais c'est vraiment une façon simple de s'alimenter. Puis les recettes sont courtes et faciles à réaliser. Il y a aussi, justement, une autre bible pour les granos invétérés, là, le livre Le bonheur du végétarisme de Daniel Starensky, Principes de vie et recettes. Bon, ça, c'est un livre qui est assez qui n'est pas récent, mais bref, c'est quand même les bases là, du végétarisme, vraiment sur la transformation des aliments, comment faire son lait de soya, comment faire son tofu. Donc c'est, si on veut chercher, pardon, si on veut chercher des recettes de base sur la transformation des aliments végétariens, bon, c'est, ça peut être un livre de référence. Aussi un très bon, une librairie de Montréal qui s'appelle la librairie Biosphère, Biosphire, .com, sur Internet, vous allez les trouver, sont situés sur la rue Saint-Denis, ont une gamme vraiment intéressante de différents livres végétariens, végétaliens, sur l'alimentation crue. Puis aussi, on peut commander leurs livres en ligne. C'est une bonne source de référence. Et puis, en fait, je vous ai aussi amené un livre sur l'alimentation végétalienne qui s'appelle Vegan Vital. Puis on a vraiment différentes recettes, tempeh bacon, on a les muffins... on a vraiment plein de recettes seulement végétaliennes. Donc, comment faire un simili fromage. Après ça, on a vraiment les tartinades de tofu, tempeh, seitan. Comment faire du seitan. Donc, on a vraiment une... Ça nous donne un topo si on veut explorer plus l'alimentation végétalienne. Parce qu'on n'est pas obligé de devenir végétalien pour se faire des recettes végétaliennes. Ou on n'a pas besoin de devenir... c'est pas des religions. Donc, je vous invite à aller explorer tous ces types de cuisine. Puis aussi, dans la cuisine du monde, si on regarde la cuisine indienne, ben, il y a beaucoup de recettes qui sont sans viande. Donc, oui, c'est ça. Est-ce que j'ai le temps de parler des lundis sans viande? Oui, c'est ça. Je voulais que tu nous jases un petit peu de ça. Même ceux qui ne sont pas nécessairement végétariens, je pense qu'il y a un petit mouvement qui a été adopté à travers le monde même, je pense. Oui, justement, c'est à la base les Meatless Monday qui ont vu le jour à Baltimore en 2003. En fait, c'est une initiative de l'Université Johns Hopkins qui visait à convaincre les Américains, les États-Unis, de diminuer de 15 % leur consommation de gras saturé afin de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Donc, ils ont adopté justement le lundi sans viande, le Meatless Monday. Mais ça a pris jusqu'en 2009 avant que les groupes écologistes se réapproprient, mais... deviennent plus actifs dans le mouvement. Puis depuis ce temps-là, il y a plusieurs pays qui ont emboîté le pas au lundi sans viande. Donc que ce soit le Brésil, l'Angleterre, la France, la Finlande, la Hollande, la Belgique, eux ont adopté les jeudis là, ils ont voulu être un petit peu excentriques. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, le secteur de l'élevage produit environ 20% des gaz à effet de serre sur la planète. Donc c'est une initiative aussi qui était pour encourager les gens à consommer davantage de protéines d'origine végétale, au moins une fois par semaine. Puis un petit fait cocasse, en fait, c'est l'ex-Beatle Paul McCartney, un végétarien là, militant convaincu qui a importé l'idée en Angleterre. Puis ici, en fait, c'est au Québec. On est maintenant... le projet a été lancé, en fait, en 2010. Donc, c'est un projet qui avait été porté par les Amis de la Terre de Québec et l'Association végétarienne de Montréal. Voilà. Donc, merci. Donc, on vous rappelle, lundi prochain, sans viande, adoptez le mouvement. Puis, petit geste à faire, allez voir sur iquitaire.org si vous voulez avoir votre fermier de famille pour l'été. C'est le temps là, de commander vos paniers bio ou pas, ils ne sont pas toujours bio, mais allez voir sur le site d'Iquitaire pour voir le fermier de famille qui serait proche de chez vous. Puis, pour les gens de la région de Trois-Rivières, il y a le marché de solidarité. Donc, vous pouvez trouver ça en ligne. C'est une façon responsable et saine de s'alimenter. Alors, merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Got in a tell a long, a long, a long, a long, stratulella, stratulella, ad ostacella, namuratella, nun spont ancora zucca, zucca, zucca, zucca, zuccolillo, zuccolillo, pastaviere. Cercamela, trovamela, Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles.